L'objectif de ce livre est de comprendre ce que les experts en folk music américaine définissent comme tel. Quelle musique représente le mieux pour eux l'identité du peuple ou des peuples américains? Pourquoi ils s'attellent à collecter, promouvoir ou étudier les répertoires musicaux entrant dans cette catégorie? Et comment ils s'y prennent? Comme je l'ai déjà indiqué plus haut, l'objectif n'est donc pas de dresser la biographie de Sidney Robertson Cowell. Elle sera d'ailleurs peu présente dans la première partie de l'ouvrage, dédiée à une archéologie des courants intellectuels et artistiques qui forge la notion de folk music américaine à partir des dernières décennies du 19e siècle jusqu'à la veille de la Grande Dépression. Sidney Robertson sera notre guide. Ce seront à partir de ses réflexions, de ses recherches et de ses activités de collecte que se dessinera l'histoire de l'invention de la folk music américaine. Avant de devenir elle-même une collectrice et sans relâche tout au long de sa vie, Robertson a étudié des ouvrages de folkloristes, suivi des séminaires de compositeurs et musicologues sur les musiques de tradition orale, s'est formée aux techniques d'enseignement musical mobilisant des répertoires qualifiés de folk. Elle a développé des compétences en psychologie analytique et en anthropologie auprès de chercheurs qui réfléchissaient notamment à la relation entre la notion d'inconscient collectif et celle de folklore populaire. Elle a également puisé dans des recueils de chants pour grand public et dans des 78 tours de musique all-time des matériaux à étudier ou à mobiliser dans ses cours de musique ou ses activités d'ingénierie sociale. Le parcours de Robertson permet ainsi de faire une synthèse des différentes catégories d'acteurs travaillant à forger la folk music américaine. Son parcours s'inscrit dans un monde de l'art, pour reprendre le concept de Howard Baker, et de la recherche, où d'autres acteurs, certains mieux connus qu'elle et d'autres encore plus obscurs, ont également œuvré à recueillir, étudier ou faire connaître les chants, danses et mélodies des gens du commun. Ce serait presque une trahison envers Robertson, elle qui s'est toujours attachée à citer les travaux de ses prédécesseurs et à s'effacer derrière la machine enregistreuse pour donner voix aux chanteurs et musiciens, de se contenter de l'ériger en héroïne de la recherche en folk music. Elle nous encourage au contraire à élargir notre regard, à s'intéresser aux différents réseaux musicaux, intellectuels et militants auxquels elle a participé. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire dans les récits panégyriques peignant tel ou tel collecteur ou folkloriste en grand pionnier de son temps, le monde n'a pas commencé en 1936, lorsque elle s'empara pour la première fois d'une machine enregistreuse. Sa découverte des musiques de tradition orale, elle la doit à ses professeurs et mentors, mais aussi à toutes celles et ceux qui, avant elle, se sont penchés sur ces matériaux, bien qu'ils fussent souvent moins légitimes en comparaison des monuments des arts gréco-romains ou des grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Si certains de ses pères s'intéresser au répertoire folk dans une quête d'un passé nostalgique idéalisé ou pour retrouver des racines nationales supposées immaculées, Robertson, à l'instar de beaucoup de ses collègues dans ce moment résolument moderniste et progressiste qu'étaient les années du New Deal, cherchait autre chose, avait d'autres motivations liées au contexte de la Grande Dépression, à la ségrégation raciale et à la menace des totalitarismes. Elle cherchait à trouver, par la musique, le chant et la danse, les matériaux pour fonder une société démocratique, inclusive, et représenter la diversité géographique, sociale, culturelle, mais bien sûr aussi ethnique et raciale des États-Unis. Le premier chapitre s'intéressera aux compositeurs de musique savante employant des répertoires associés à l'idée de folklore au tournant du XXe siècle. Le deuxième chapitre sera ensuite consacré à l'émergence de la folk music comme objet de recherche scientifique dans les travaux d'anthropologues, de sociologues et de folkloristes littéraires, toujours au tournant du XXe siècle. Le troisième chapitre portera quant à lui sur l'emploi de répertoires de chants et de danses qualifiés de folk dans les milieux de l'éducation progressiste et au sein du mouvement d'américanisation. Le quatrième chapitre, le dernier de cette première partie, traitera de la popularisation de l'idée de folk music et de sa commercialisation. La deuxième partie de l'ouvrage suivra le parcours de Sidney Robertson et, à partir de celui-ci, retracera la fondation d'une folk music d'État durant le New Deal. Le chapitre 5 sera dédié à ses activités durant la décennie 1925-1935, sa formation musicale, son exposition à la psychologie analytique et à l'anthropologie en Europe et ses premières expériences en tant que professeur de musique dans des institutions progressistes où elle emploie des répertoires folk. Le chapitre 6 traitera de l'histoire institutionnelle et politique de la fondation des institutions et agences fédérales au sein desquelles Robertson travaillera durant le New Deal. Et enfin, les deux derniers chapitres seront consacrés aux deux projets gouvernementaux auxquels elle participera entre 1936 et 1940. Donc le chapitre 7 considérera les activités de l'unité musique de la Resettlement Administration et les réflexions de Robertson et du musicologue Charles Seeger sur les usages sociaux et politiques de la folk music. Le huitième et dernier chapitre portera sur son California Folk Music Project, dont les méthodes et les objets reflètent à la fois une volonté d'empirisme et de scientificité et une conception démocratique et pluriculturelle de l'américanité.